Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le film qui a marqué toute une génération arrive en Blu-ray. Jacques Mayol et Enzo Molinari se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Tous deux experts en apnée et passionnés par l'océan, ils s'affrontent continuellement pour obtenir le record du monde de plongée. Toujours en rivalité, les deux hommes descendent de plus en plus profond, au risque de leur vie. Raconte-moi une histoire. Une histoire ? Tu sais que ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes. Tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Le Grand Bleu, le film événement de Luc Besson, disponible en 3 éditions issues de Master Haute Définition, une version spéciale double DVD, une version Blu-ray, édition spéciale 3 disques avec Le Grand Bleu en version longue et le film Atlantis, et le coffret 20 ans du Grand Bleu, un événement Gaumont-Columbia Tristar.